Coucou, bonjour, bonsoir, vous êtes là? Si vous êtes là, on va pouvoir débuter cette 757e émission. Comme toujours, vous le savez, ce rendez-vous avec vous que je vous donne le mercredi, le dimanche et le lundi, c'est toujours un rendez-vous un peu spécial. Aujourd'hui, encore, cela va être le cas. Les musiques que vous aimez, bien évidemment. Un peu d'accordéon, bien sûr, ça fait partie de notre vie, de nos souvenirs. Et puis, peut-être, vous retrouverez-vous dans les chansons qui vont suivre. Il n'y a pas de secret, pas de nouveauté. La routine. Et la routine, on va la commencer avec un classique, Perle de Cristal. Et qui est-ce qui va nous interpréter Perle de Cristal? C'est l'ami Verchu. Verchuren, bien évidemment. Merci d'être là, fidèle à cette émission. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Vous êtes toujours là ? Ça vous plaît ? Bon, on va continuer. On va continuer cette belle émission. Restez bien avec nous. Nous sommes bien ensemble, n'est-ce pas ? Ça va vite, hein? Ah oui, oui, ça va très très vite. Eh oui, vous savez, le chagrin d'amour, il vaut mieux qu'il ne dure pas trop longtemps. C'est parti pour la reine du musette. We'll be right back. savez, quand vous êtes là, quand nous sommes ensemble, eh bien, c'est des moments magnifiques que l'on passe à écouter tout simplement ces souvenirs que nous avons vécus et que nous vivons encore toujours avec tout simplement par l'intermédiaire de votre radio locale Sorgia FM et particulièrement, bien sûr, de cette émission Rendez-vous avec vous. Et puis, vous savez, quand les amis viennent vous trouver dans le studio et qu'ils sont heureux d'écouter cette musique, eh bien, nous, nous sommes aussi dans toute l'équipe qui compose la radio, nous sommes les plus heureux du monde. Particulièrement, personnellement, là, j'ai eu tout simplement la visite de l'ami Riku. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Mais c'est un plaisir immense que de retrouver comme ça, allez, on va dire les vieilles chansons, hein, n'est-ce pas? Allez, quelque chose de tout nouveau que je vous propose. Ce n'est pas que je voulais partir, mais il fallait que je m'arrache à toi. Je t'en prie, reste. Nous n'avons pas le droit et pas d'avenir. Je brûle encore. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi, de ta peau, ma peine est grande. Sur mon corps. Mais tu ne la vois pas. Reste. Dans ma poitrine, c'est notre amour qu'on assassine. Tout en caresse. Mais pourquoi faut-il toujours que l'on trouve trop tard ce merveilleux amour? Je suis à toi. Qui à peine commencé nous sépare. Ne t'en va pas. Ce bref moment comme un coup de vent. Mon corps a foi. Et je t'aime pourtant. De l'absence de tes bras. Une ombre, une porte. nouveau, ça vient de sortir. Allez, pour le plaisir, une autre. Sans faire de détour, moi j'ai gardé sa main au creux de ma main. Je me sentais bien. Elle a plongé ses yeux au fond de mes yeux. Je veux te revoir, moi, comme j'étais heureux, l'amour était là.

ça fait des sacrés souvenirs. Ah, il fait pas bon vieillir, comme on dit. Hein. Oui, il fait pas bon vieillir. Mais vous savez, vieillir, ce n'est pas si grave en définitive. Parce que de toute manière, allez, on va dire que tout le monde vieillit. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et quand on vieillit, bon, eh bien, ça veut aussi dire que quelque part, nous sommes toujours là. C'est pourquoi vieillir, on peut encore l'écouter. Quand on a 20 ans, on ne pense pas, on est insouciant. Vieillir, quand on a 30 ans, tous épatants, on prend la vie à plein dents. Vieillir, quand on a 40 ans, c'est papa, c'est maman, on élève nos enfants. Quand on a 50 ans, c'est déjà la 8 ans, on n'y croit pas vraiment. C'est ça la vie, on n'a pas choisi, chacun son chemin, c'est là notre destin. C'est ça la vie, on n'a pas choisi, chacun son chemin, c'est là notre destin. Vieillir, quand on a 60 ans, on a encore de bons moments, mais c'est déjà moins souvent. Vieillir, quand on a 70 ans, c'est papy, c'est mamie, on garde nos petits enfants. Quand on a 80 ans, et même maintenant, c'est nos derniers élans. Vieillir, quand on a 90 ans, alors on pense à nos 20 ans, souvenirs d'antan. C'est ça la vie, on n'a pas choisi, chacun son chemin. C'est là notre destin, c'est ça la vie, on n'a pas choisi, chacun son chemin, c'est là notre destin. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ces quelques minutes qui nous restent pour cette première partie de l'émission avec un petit tango et puis après on verra. Je me sentais tout seul sur terre et je m'ennuyais à mourir. Quand m'apparut une lumière qui soudain vint éclairer mon avenir. Et là, j'ai su enfin que tu es été l'envoyé du destin, ma nounou. Oh, ma nounou d'amour, depuis ce jour, cet tango-là, je l'ai chanté combien de fois pour te dire je t'aime. Et supposé, quand tu l'as dit de mon poème, tu comprendras. Oh, ma nounou d'amour, j'ai loin de toi mon cœur il est. Voyage dans cette première partie de l'émission va bientôt s'arrêter, mais nous sommes encore là après. Et oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je... Ah oui, oulala, alors là, on va prendre le large avec Ohé Marin. Dans les ports, quand tombe le soir, grisé de rhum et de vieilles chansons, les légendes hantent les mémoires de ces matelots, de ces moussaillons. Demain, il leur faut partir, larguer les amarres, braver l'océan. Oubliez les fantômes des navires et tous ces forbans assoiffés de sang. Ohé marins, à vous la liberté, vers ces pays lointains qui nous font rêver. Ohé marins, au mépris du danger, tel est votre destin d'aventurier. Quand tombe le soir, le vague à l'âme, loin de leur rivage, ils se disent au diable ces histoires, plus beaux sont nos rêves, nos espoirs, nos voyages. Du Cap Horn ou de Bonne Espérance, leur appartient le monde entier. Les courants portent leur insouciance, les voiles gonflées d'un vent de liberté. Ohé marin, à vous la liberté, vers ces pays lointains qui nous font rêver. Ohé marin, au mépris du danger, tel est votre destin d'aventurier. Ça y est, c'est fini avec. C'est fini la première partie de cette émission, hein, bien sûr. La deuxième partie va débuter avec. Je vous laisse découvrir. Sans moi, et toi, ce soir, Ah, vous l'avez reconnu, hein? Ah oui, vous l'avez reconnu. Ah oui, bien sûr. Vous l'avez pas reconnu. Bon, Mike Brandt, eh oui. Et il est toujours là, d'ailleurs. Oui, il est toujours là, avec nous. Los ojos tienes debajo de Santo Seca, debajo de Santo Seca. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas. Ni siquiera papá vía, Madalena, salerosa, besa tus labios quisiera y elegir. Malagueña salerosa y de la de niña hermosa. ¡Ah! ¡Wii! ¡Wii! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Si por pobre me desprecia, yo de concedo razón, yo de concedo razón. Si por pobre me desprecia, qué bonitos ojos tienes debajo de Santo Seca, debajo de Santo Seca, qué bonitos ojos tienes. Ay, ay, ay, malé. Salerosa, besa tus labios quisiera y elegir linda y hechicera, malagueña salerosa y de elegir de niña hermosa. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Dans la vie tout arrive, il suffit de vouloir. Cette chanson d'amour, c'est un peu mon histoire. Aujourd'hui je l'avoue, il m'a suffi d'y croire. Et ce fut... la rencontre commence au hasard d'un chemin. Une boîte à la mode et puis quelques copains. un sourire, un regard, c'est déjà le départ. La rencontre, la rencontre est aussi ce moment merveilleux qui fait que de tout seul on se retrouve deux, sans qu'on y soit pour rien. C'est l'heure du destin. Soleil d'été en plein cœur de l'hiver, c'est l'infiniment grand, c'est tout un univers. La tendresse trouvée, je n'oublierai jamais. La rencontre, c'est une pluie d'étoiles qui vous tourne la tête. La rencontre a une âme, tout comme les poètes. Elle vous prend par le cœur, et puis c'est le bonheur. La rencontre, la encore, je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je peux

C'est le diable et l'enfer mêlés à tous nos jeux. C'est le ciel qui est offert à nous par tous les dieux. Quand tu m'aimes, c'est l'éclipse et l'éclair qui allument mes joies. C'est l'écume des mers qui se meurent sur tes doigts. Quand tu m'aimes, c'est pétri par tes mains tous mes sens éveillés. C'est mon corps sur le tien, nos souffles saccadés et nos gestes intimes. D'amour qui déchire nos nuits et meurt au petit jour dans le plaisir ultime. Quand tu m'aimes, quand tu m'aimes, quand tu m'aimes. Charles Aznavour, Isabelle Boulet dans cette belle chanson « Quand tu m'aimes ». Ferme les yeux quelques instants. Souviens-toi du ciel d'Orient, un ciel magique, fait de musique et d'amour. Toi, tu dansais quand je t'ai vu. Tu étais ma belle. Ma souris, tout a changé. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Je ne suis pas le premier qui l'ont dit ce soir. Adieu, nous ne sommes pas les derniers amoureux qui passent sous le pont des regrets. Je ne suis pas le seul qui ait cru inventer l'amour. L'éternité a tourné court, on a rêvé, mais la vie n'est pas terminée. S'aimera toujours à Venise, ne t'en fais pas, la tour de Pise penchera encore et longtemps après nous. On s'aimera toujours à Venise, un peu ému, un peu timide, comme à l'instant des premiers rendez-vous. Écoute la vie crier dans les faubourgs, l'amour est mort, vive l'amour. Et pendant ce temps-là, nous revenons de ta promise, et par tous les chansons nous disent, on s'aimera toujours. Toujours à Venise, reviendra le temps des cerises, et d'autres amours feront le printemps. On s'aimera toujours à Venise, ce grand bonheur à la dérive n'est qu'une larme dans un océan. Regarde, les enfants chantent dans les rues, que le spectacle continue. Et pendant ce temps-là, nous revenons de terre promise, et partout les chansons nous disent, on s'aimera toujours à Venise. C'est avec cet amour à Venise que l'on se quitte dans cette deuxième partie de l'émission. Je vous ai fait peur là, hein? Oui. On quitte la deuxième partie de l'émission pour attaquer bien évidemment le quart d'heure italien. Vous êtes toutes d'accord? Allez, c'est parti! Quando senti l'orchestrina tra una danza americana che strimpella una mazurca dall'aria paesana, pensi allora alla quadriglia d'un bel tempo che passò, quando usava la pariglia attaccata all'andò, quando c'erano i tanghi e i fostrò, alla mazurca che ballava la mia nonna, con le trecce a penzoloni e con i mutandoni sotto la sua gonna. Quando mio nonno, per baciare la sua mano, non usava la scaletta ma la bicicletta fino al primo piano. I giovincelli, di vent'anni o poco più, com'eran belli, coi baffoni per l'insù. Alla mazurka, d'un bel tempo assai lontano, quando prima di sposarsi stavano a guardarsi con le mani in mano. Or si balla la carioca, il sassofono rimbomba, ma mio nonno suona ancora il grammofono a tromba. Pensa in me con nostalgia all'antica gioventù, quando allora ogni Maria non era Mariù. Com'era bello quel tempo che fu, alla mazurka che ballava la mia nonna, con le

riesce ancora, ma ancora di più è amaro il bacio che sulla bocca tua mi ferisce ancora. Lunga è la spiaggia e lunga è l'onda, l'angoscia è lunga, non passa mai e il pianto cade sul mio peccato, sul mio dolore. Tornerò

dimmi che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non saprò più. Parlami d'amore, Mario. Ah oui, on est dans le quart d'heure italien, hein? Ah, oui, oui. Et le quart d'heure italien, quelquefois, il nous fait languir un peu, hein? Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Quando ero piccina, piccina, mio papà mi portava a giocare. Diceva Marietta vien grande, mi diceva Marietta vien grande. Quando ero piccina, piccina, mio papà mi portava a giocare. Mi diceva Marietta vien grande, che ti voglio maritare. Bionda, bella bionda, o biondinella d'amore. Bionda, bella bionda, o biondinella d'amore. Grandicella io son divenuta, all'età di 16 anni, ho una figlia che chiama già mamma, ho una figlia che chiama già mamma. Grandicella io son divenuta, all'età di 16 anni, ho una figlia che chiama già mamma, ma non ha mai più visto il papà. Bionda, bella bionda, o biondinella d'amore. Bionda, bella bionda, o biondinella d'amore. La sua bimba adesso è cresciuta, non ancora nemmeno 20 anni. Ha una figlia che chiama già mamma, ha una figlia che chiama già mamma. La sua bimba adesso è cresciuta, non ancora nemmeno 20 anni. Ha una figlia che chiama già mamma, ma non sa dove sia il papà. Bionda, bella bionda, o biondinella d'amore. Bionda, bella bionda, o biondinella d'amore. La sua bimba adesso è cresciuta, non ancora nemmeno 20 anni, ha una figlia che chiama già mamma, ma non sa dove sia il papà. Bionda, bella bionda, o biondinella d'amore. Bionda, bella bionda, o biondinella d'amore. Allez, on se dépêche, on va profiter des derniers instants de cette belle musique italienne. Diario che non ho scritto mai, chiusi in un cassetto sei, da quell'estate dell'86. Giorni d'amore che non ho vissuto, vuote speranze che non ho perduto. Quel passato che non ho, ora sera soltanto fantasia, giorni d'amore che non ho vissuto, vuote speranze che non ho perduto. Di piogge poi tu mi ritroverai in questa stanza con i sogni miei, era l'estate dell'86. Je sais, mais ça va être la toute dernière et on ne peut rien y faire, comme on dit. Mais vous faites pas de soucis, elle est très belle et vous allez voir que vous allez la chanter peut-être avec moi, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez. Addio bei giorni passati, mia piccola amica, ti devo lasciare. Gli studi son già terminati, abbiamo finito così di sognare. Lontano andrò, dove non so, parto col pianto nel cuore, dammi l'ultimo bacio d'amore. Non ti potrò scordare, Piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino, col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Totina, il tuo allegro studente, di un giorno lontano e adesso dottore. Io curo la povera gente, ma pure non riesco a guarire il mio cuore. La gioventù non torna più, quanti ricordi d'amore a Torino ho lasciato il mio cuore. Non ti potrò scordare, Piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino, col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout. ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.